Tu es au bon endroit, tu es branché sur le 107 et tu es le bienvenu. Nous sommes lundi et il est midi et comme tous les lundis à cette heure-ci, eh bien je suis avec toi dans cette émission L'Odeur du Son. Et aujourd'hui n'est pas un lundi comme les autres d'ailleurs. Nous sommes le 8 mars et c'est la journée internationale des droits des femmes. Il était important pour moi de le souligner. Alors dans cette émission, eh bien je vais te jouer mes disques chouchous, te passer quelques infos locales. Anne-Sophie mettra à nouveau les pieds dans le plat pour notre plus grand plaisir et bien sûr et bien l'essentiel. Alors le jeu de mots, je te l'avoue, il était un petit peu facile mais c'est pourtant tellement vrai. Avec moi en studio un invité et aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir Christophe alias Toff Blanc. Bonjour, comment vas-tu? Bonjour, bah très bien, c'est la grande forme. Eh ben c'est super, ouais. Merci beaucoup d'être ici aujourd'hui avec nous. Ouais. Ça s'est un petit peu fait au pied levé, on aime bien. Oui, à la dernière minute. Bah voilà, c'est en plus, génial. On part une journée pluvieuse, donc c'est cool. non, il fait grand soleil, il y a grand soleil aussi dans le studio, grand soleil dans nos cœurs. Et voilà, on est là pour te partager de la good vibes, auditeur. On est très content d'être avec toi. Alors Christophe, Toff Blanc, tu préfères quoi? Allez, vas-y pour Toff Blanc. Allez, bah ça m'arrange parce que j'ai dit ça tout le long de l'émission, donc ça m'arrange. Merci beaucoup encore une fois d'avoir accepté mon invitation à participer. On peut dire que tu es un peu en habitué des lieux, hein. T'es déjà venu dans les studios de Radio Game Ça commence, hein. Ça va faire la troisième fois, hein. C'est tout? Non, trois ou quatre. Ouais, je crois. Oui, parce que t'as connu Mika, t'as connu les anciens, toi. Oui. Voilà. Tu es un artiste multicasquette. C'est ça. Hein, artiste, peintre, clown, sculpteur de ballons et autres œuvres psychédéliques. Je me rappelle de tes sculptures en vélo là. C'est pour ça, tu sais, m'a. Oui, mais je crois que j'étais venu aussi pour ça. Ah, mais bien sûr. Ouais. Oui. Est-ce qu'on les voit toujours tes vélos parfois? Alors oui, il y en a encore quelques-unes sur la voie verte. C'est sympa. Il y en a sur Taon, il y en a sur. Je sais qu'il y en a encore à Balébin. D'accord, ok. Il y a un gros cœur à Balébin, en plein milieu. Génial. Ouais. Quels sont tes mots à toi pour te présenter, Toff Blanc? Ah, ma façon à moi de me présenter. Oui. Eh ben, je suis artiste plasticien et clown jongleur. Ben voilà. Et puis ça dépend à qui je m'adresse parce que si c'est des parents qui ont des enfants, je suis clown jongleur et artiste plasticien. Je suis un peu schizophrène. Vous êtes plusieurs, c'est ça? Ouais, c'est ça. En ce moment, tu exposes à Épinal? Alors oui, j'expose de la galerie aux 4 rues du Char d'Argent en Épinal, ouais. Saint-Laurent. C'est ta galerie à toi? C'est ma galerie à moi qui est ouverte tous les vendredis. Génial. De 14h à 23h. Non, c'est... Non, 18h moins 5, moins 1, je ferme. Je suis respectueux des ordres. Ouf. Alors, on y retrouve quoi dans cette expo-là? Eh ben, on y trouve des tableaux, des sculptures. Et puis, j'expose aussi un copain là qui vient de faire ses tout premiers tableaux. Donc, il y a 2-3 toiles à lui. Génial, c'est voilà. Qui Olivier. Olivier. Voilà, Olivier. J'ai pas de nom. Je connais pas son nom de famille. D'accord. J'ai pas retenu, donc j'ai retenu comme Olivier. Ça t'arrive souvent de collaborer comme ça, d'exposer d'autres artistes? Alors non, c'est vraiment... tout au début, il y a un an, oui, j'avais commencé avec Laurent Fallou et une autre artiste, pareil, je ne sais plus, une fille du fer. Voilà, une fille du fer. Génial. Voilà, donc elle faisait des super trucs et Laurent faisait des super photos. Ouais. Et là, non, j'ai pas repris. Et puis il y a tellement peu de monde qui viennent, je sais pas. Ils ont l'impression que là, il doit y avoir un voile invisible devant ma galerie, en fait. C'est l'univers a dû mettre un voile pour que je sois tranquille. Peut-être, peut-être. On est là pour mettre des gros panneaux clignotants. C'est par ici l'exposition de blanc. Je crois qu'il va falloir que je fasse des gros trucs. C'est ça. Pourtant, j'ai refait ma fresque tout autour. Ah oui, ta façade. Toute ma façade. En violet parme. Voilà. C'est ça, ouais. T'as vu, j'ai retenu. Oui. Bah, ça a dû te prendre longtemps de faire ça, non? Non, il pleuvait, je m'y suis mis le matin. En fait, je me suis levé un matin et j'ai décidé, allez hop, je le fais. Et donc, il pleuvait et je l'ai fait pendant qu'il pleuvait. Et c'était génial. J'ai passé 2 jours parce qu'il faut un temps de séchage. Oui. Et puis après, j'en reviens dessus. Bon, là, d'accord. J'ai mis deux petites matinées, en fait. Ok. J'ai un bout de mur à faire chez moi, si tu veux. Avec plaisir. J'ai ma peinture dans la voiture. J'y attaque tout de suite. Allez, c'est parti, on y va. Bon, avant de se plonger dans le sujet avec toi, c'est le moment où je passe un premier disque chouchou, chiné ce week-end. Et je commence par Mehdi. Est-ce que tu connais Mehdi, artiste local? De Thaon-les-Vosges. Il me semble que j'en ai déjà entendu parler. Je te pose que des questions pièges aujourd'hui. Oui, j'espère que t'as prévu. Je sais bien mentir. Les clowns, ça, c'est bien mentir. Je suis dans un cirque. Je me rappelle la première fois qu'on s'était vu, t'étais venu en clown. Ouais. Et tu sais, tu m'avais réconcilié un petit peu parce que moi, j'étais un peu phobique. Et il paraît. Oui, hein, oui. Je me souviens de ça. Mais oui, et puis on s'était rencontrés à Plombières-les-Bains, où on dit Teur, tu es bienvenue dans ma vie privée, où j'ai une photo de toi avec, enfin on est ensemble, j'ai mon fils sur les épaules et je tire une tronche parce que j'étais pas très à l'aise, il faut le dire. Mais là, ça va mieux maintenant. Mais ça va mieux là. Oui, oui. Mais ça va mieux. Alors du coup, eh bien, je passe Mehdi, donc artiste local, hein, je l'ai dit, mais surtout artiste chouchou de Radio Guémozo, hein, il vient souvent aussi, on le soutient. Il a publié il y a quelques jours dans le cadre de ses Ça Mehdi un nouveau son qui se nomme Ouvrez tout, en soutien aux restaurateurs, bars et tout établissement encore fermé. Hein, c'est pour ça que j'ai souhaité le diffuser aujourd'hui. Mehdi propose un nouveau son clippé chaque samedi quand même. Je t'invite auditeur à rencontrer cet artiste à travers sa page Facebook, Insta ou sa chaîne YouTube sur laquelle eh bien, ce nouveau clip est d'ailleurs présent, ça vaut le détour. On écoute Mehdi. Allez, Mehdi, pour ouvrir tout. Messieurs, dames, pardon, un dernier verre et puis nous partons. Je connais bien le patron et j'en ai que faire de quand ira-t-on. Laissez-moi. Je suis comme vous, comme lui, comme toi. Laissez-moi. Boire en terrasse encore une fois. Laissez-moi donner mon pourboire. Allez, sortez-moi juste pour voir. Je veux m'accouder encore au comptoir. Encore une fois, juste pour voir. Messieurs, dames, venez vous asseoir. À quoi bon parler de pouvoir? Vous pensez comme lui, comme nous, comme tous. Nos bars sont devenus des mouroirs. Tout le quartier meurt quand le barman pleure. Tout le quartier pleure quand le barman meurt. Tout le quartier meurt quand le barman pleure. Tout le quartier pleure quand le barman meurt. Messieurs, dames, pardon, un dernier air et puis nous partons. Je connais bien la chanson et j'en ai que faire du quand ira-t-on. Laissez-moi. Je suis comme vous, comme lui, comme toi. Laissez-moi. Faire un concert encore une fois. Laissez-moi encore y croire. Revêtir mon plus beau costard. Accorder mes cordes sèches. Le doux bruit d'un public qui se presse. Messieurs, dames, venez vous asseoir. Je vous chanterai la pire des histoires. Vous êtes comme lui, comme nous, comme tous. Nos salles sont devenues des mouroirs. Tout le quartier meurt quand le musicien pleure. Tout le quartier pleure quand le chanteur meurt. Tout le quartier meurt quand le musicien pleure. Et tout le quartier pleure quand le chanteur meurt. Ouvrez tout. voilà, pour Mehdi, ouvrez tout, c'était bien ça. Ouais, c'est très dansant. Très entraînant. Ouais. Et bien, d'ailleurs, on le voit, Mehdi, au sein de ce clip, se déhancher avec plein d'autres, enfin quelques autres personnes, et franchement, ça donne envie. Ouais. Hein, la danse, c'est bien ça. Ça nous manque. On a envie de danser. Ouvrez tout, Mehdi, c'était sur Radio Guémozo. Et justement, on reste un petit peu dans le sujet avec ces premières infos locales que je te communique, auditeur, pour continuer à se sentir vivant et célébrer la culture. Eh bien, un collectif citoyen invite à prendre la rue pour chanter et danser. La mobilisation pour la culture sous toutes ses formes doit être une fête, nous disent-ils. L'artiste spinalien Albe proposera un slam avec la présence également d'HK, du groupe HK et les Saltimbanques pour de la chanson française engagée qui sera accompagnée par des Saltimbanques vosgiens réunis pour l'occasion. Rendez-vous mercredi 10 mars à partir de 15h30, place de la Chipote à Épinal, manifestation pacifique dans le respect des règles sanitaires, bien entendu. Est-ce que tu y seras, Tof Blanc? Oui, j'y serai en Tof Blanc. Ah bah c'est génial, t'as été convié? Non, mais je prends l'info. Non, je prends l'info. Tu pourrais également venir, auditeur, marcher avec nous, car ce même collectif, entre autres, avec des associations comme Réseau d'être, s'est maintenant joint à ces rassemblements et il t'invite à une nouvelle marche fleurie et citoyenne qui partira du cinéma Palace d'Épinal à 15h ce dimanche 14 mars et ira jusqu'à la Souris Verte pour continuer à se sentir vivant encore une fois. Traversons Épinal pour déposer des fleurs devant les lieux culturels de convivialité qui nous manquent tant. Des fleurs pour réclamer la réouverture des lieux de vie qui sont les cinémas, bars, théâtres, musées. Des fleurs pour se retrouver et des fleurs pour le retour de la joie. Une manifestation avec des haltes artistiques. Et justement, Tof Blanc s'était rencontré, retrouvé là il y a quelques semaines. Car bien entendu, bah, tu étais là. Hein, il y a 15 jours. Et oui, ça passe. Ouais. Et voilà, toi en tant qu'artiste, eh bien forcément tu es plus que concerné par cette situation. Comment ça se passe en ce moment pour toi? Je te l'avais déjà posé cette question, mais je la repose encore une fois. Bah, c'est un peu compliqué. Hein. Tout est mis en stand-by pour tout ce qui est spectacle. Oui. Moi, j'ai la chance de pouvoir faire un petit peu de ballon au parc du château. Oui. Voilà, donc avec les distances de sécurité. Et puis non, sinon, bah les spectacles, non, c'est tout et on, voilà, rien ne se fait pour l'instant. Même dehors, on peut pas encore. Bah puis c'est pas qu'on peut pas, c'est que souvent les gens ils ont peur, donc ils ne prennent pas d'initiative. Puis ils savent pas si la préfecture va donner l'autorisation ou pas, donc c'est très compliqué. Ok. Voilà, donc là je vais exposer en tant que artiste peintre à Metz la semaine du 20. Mais jusqu'à jeudi, on savait pas si on allait le faire ou pas. D'accord. Ok. C'est carte blanche qui se passe. Donc c'est une grosse expo. Il y a plein de lieux. Mais voilà, donc c'était tendu jusqu'à jeudi. Et puis là, apparemment, on a l'autorisation d'être ouvert les deux week-ends. Donc le 20, 21 et puis le week-end d'après. Super. Ouais. Et puis toi, ce que j'aime bien, c'est que tu prends un petit peu comme ça vient. Oui. Hein, oui. On le disait la dernière fois. Oui. Tu vois, les gens, faut porter un masque. Ben, j'essaye de le mettre quand c'est la possibilité. Et du coup, comme je manque d'air, j'ai décidé de travailler la respiration consciente. Donc, ça veut dire d'accélérer mon champ respiratoire quand j'ai la possibilité de pas avoir de masque. Oui, parce voilà. Que la respiration consciente dans le masque, c'est différent. Ben c'est surtout parce que le masque, on rejette des choses négatives, donc du coup à côté. Donc je prends tout ça un peu comme ça vient. C'est génial, hein. La good vibes. Ouais, c'est ça. Puis on n'est que de passage. C'est vrai. Tout est temporaire. Il faut le savoir. Faut pas l'oublier. Faut pas trop se prendre la tête. C'est vrai. On le disait en début d'émission. Donc tu exposes en ce moment. Hein, c'est jusqu'à quand cette exposition chez toi? Ah, c'est en permanence. Ah, c'est en permanence. Voilà. Ok. Tous les vendredis. C'est jusqu'à temps que j'en ai marre de voir personne arriver et que je serai obligé de la fermer. Voilà. Oui, du coup, est-ce que le public est présent bien? Je parle bien de la galerie. Hein, oui. Parce que moi, je suis pas prêt de la fermer. Bah, ça tombe bien, on aime bien quand tu parles. Donc le public là, il est un petit peu frileux. Qu'est-ce qui se passe là? Ouais, non, je sais pas. Ils ont un peu peur. Je sais pas de quoi ça vient. C'est tout un ensemble de choses. Donc j'ai à travailler ça. Oui. Travaille sereinement en continuant en ouvrant et en acceptant que les choses soient comme ça pour l'instant. Ok, on va parler un petit peu de tes œuvres quand même. C'est de la peinture là que t'exposes, des sculptures. Qu'est-ce qui... Peinture, sculpture et je fais surtout de l'abstrait, moi. Ouais. Ouais. Ok. Je fais pas de choses qui sont très très figuratives. Sauf que je te parlais que là j'étais en train de faire une sculpture qu'on dirait un ours. C'est génial. En bois, donc avec la tronçonneuse, mais le problème, c'est que c'est pas moi qui ai décidé, c'est le bois qui m'a emmené dans ce domaine-là. T'es à l'écoute des éléments pour... Voilà. C'est comme pour la peinture, c'est la peinture qui me guide, Et puis j'aime bien laisser mon imagination sortir. Et puis pas trop me poser de questions quand je travaille, en fait. Oui. Comme quand je fais une fresque, mais ça on en reparlera un peu plus tard. Oui, oui. Voilà. Ok. Donc c'est surtout de la très très coloré. Et puis sur tout matériau, parce qu'en fait j'aime bien faire les poubelles, récupérer tout ce que les gens jettent. Oui. Je suis tombé dans une bonne société, parce que on est dans une société où les gens jettent beaucoup. Et je serais malheureux si les gens devenaient raisonnables et qu'ils jetaient plus rien. Tu seras en manque de matière première. Je serais en manque de matière première. Je serais obligé d'aller la quémander encore plus. Donc, pour l'instant, je pense que je suis d'utilité publique. C'est génial pour se vendre, ça. Oui, c'est ça. Parce que ça permet de là, encore cet après-midi, ce matin, en venant, j'ai fait les poubelles, j'ai récupéré plein de trucs que je vais pouvoir retravailler. Et c'est magique. Mais c'est super. Ouais. Tu fais de la peinture consciente un peu, du coup, toi? Alors, c'est... moi, je fais de la peinture consciente et j'essaye d'être conscient en permanence. Oui. Ouais. Aussi bien dans le négatif que dans le positif. Donc, ça veut dire qu'il faut voir tout, en fait. Oui. Bon, de toute façon, pas de positif sans négatif. Bon, ça dépend, on peut ne pas en avoir, et puis avoir que du positif. Oui, c'est sûr. Moi, quand il pleut, il fait beau pour moi. Et quand il fait chaud, et il fait très beau aussi. Et aujourd'hui, il pleut, là. Ouais, là, moi, il pleut. Tu fais un peu de l'art-thérapie, non? Pour toi-même, peut-être. Ouais, ça peut arriver, l'art-thérapie, oui, c'est vrai. Ouais. Alors, du coup, là, tu proposes des peintures. Oui. Hein? Combien il y en a d'exposés? Dans la galerie? Oui. 300? Ok. C'est pas beaucoup en plus, parce que j'en ai encore autant chez mes parents. Oh, purée. Et puis j'en ai encore une centaine dans toute ma maison. Parce qu'il y a des endroits où on n'a pas le droit d'aller les voir. D'accord. Dans ma chambre, c'est interdit. Ah bon? Il y a des secrets? Ouais, c'est des tableaux que j'expose plus. D'accord. J'ai un tableau là qui est qu'on peut voir par contre celui-là qui est sur ma montée d'escalier et ça va faire maintenant 13 ans que j'habite dans la nouvelle maison et ça va faire 13 ans qu'il est là et je ne l'ai jamais exposé à l'extérieur. Pourquoi? Ben parce que c'est un comment on appelle, tu sais, quand ils sont quatre tableaux l'un à côté de l'autre, un quadré machin. Ah oui. Truc, voilà. Et donc du coup c'est assez compliqué à l'exposer à l'extérieur. Et puis j'en peins tellement que celui-là, bah, il reste là. Quand je monte, tous les soirs, quand je monte, je dis « Salut, ça va ?» Voilà, puis après j'en ai un autre, mais là j'en parle pas, il est dans ma chambre, celui-là. Et celui-là, je l'ai jamais exposé, en fait. Je crois que ça doit être dans mes 10 premiers tableaux que j'ai faits. Et je les ai jamais, celui-là, je l'ai jamais exposé. D'accord. Je l'ai posé dans ma chambre, mais il est que pour moi. Ah, voilà. Mais c'est bien aussi. Ouais. C'est bien. Bon, par contre, s'il y a un milliardaire qui veut l'acheter, je suis prêt à le vendre. Bah, il faut qu'il le voie avant. Ah, bah, il y a aucun problème, il peut l'acheter en venant le voir. D'accord, ok. C'est quelle technique que tu... Est-ce que c'est possible pour toi de la nommer, cette technique? D'écrire ma technique? Ouais. Bien sûr. Vas-y. J'en sais rien. Alors en fait, c'est une technique très improvisation. C'est-à-dire que couche par couche. Ça veut dire que quand je fabrique un tableau, avant de voir le final, va avoir 10, 20, 30 couches de peinture. Des fois, j'essuie mes pinceaux juste pour donner de la couleur, puis pour pas perdre la peinture. Voilà. Et puis au bout d'un moment, peut-être au bout d'un mois, deux mois, je me dis, allô, celui-là, je le travaille. Et puis je le termine, je vais vraiment le finir. Là, je suis en train d'en finir, qui est plutôt un peu chocolat. Mais avant, c'était tout des essais de peinture, voilà. Quand j'ai besoin de faire un essai, je prends un tableau, je fais un essai dessus, et puis ainsi de suite. Donc je sais pas trop comment on appelle ça en fait. Oui. Je sais qu'une fois, j'avais peint dans un bar, il y avait un monsieur qui m'avait regardé, c'était un collectionneur, et je le remercie s'il écoute des fois Game Ozo. Il m'a acheté le tableau, mais il m'a vu commencer le tableau et finir le tableau dans la journée. Il m'a dit, c'est n'importe quoi ce que vous avez fait. C'est sympa. Oui, il m'a dit, c'est pas possible. Il m'a dit, j'ai commencé à voir quelque chose qui me plaisait bien, puis après fini, puis après autre chose, puis encore autre chose, puis maintenant la fin. Et là, en fait, je suis un peu comme ça, en fait. J'ai pas trop de technique, donc je suis très improvisation. J'y vais pour des fois 5 minutes. Des fois, j'arrive, je rentre, le soir, il est 18h, bien sûr. Bien sûr. On te croit. J'arrive à 18h, et ben, hop, je descends, même si je suis habillé en propre, hop, je descends, je vais dans la galerie, hop, je mets un coup de pinceau, puis je repars. Et puis après, je peux me réveiller la nuit, aller refaire. Je peux me réveiller à 4h du matin, ça c'est pas vrai. Mais ça fait rien, ça fait rêver les auditeurs. C'est l'artiste fou et tout. Ah oui. Non, mais par contre, oui, j'aime bien travailler en petite touche. Séquence. Ouais. Plein de fois. Ouais. Ou le contraire, hein, ou travailler des fois pendant une heure, deux heures, trois heures dessus sans s'arrêter. Ça fait une accumulation de matière. Ouais, hein, c'est l'accumulation. Ça. Ouais, je crois que c'était le mot que je cherchais. Ouais, j'accumule de la peinture. En fait. Voilà, ouais. T'accumules un peu plein de choses, je suis sûr. À dessus, en plus, j'aime bien tout ce qui est rajout de matière. Oui. Donc, ça peut aller du caillou, du bois, de la feuille, du plâtre, du tissu, pas d'animaux. Ouf. C'est des animaux taillés en bois. Ouais, c'est ça. Un peu de poils de chien, non? Ouais, oh bah oui, il doit en avoir dessus, Calypso. Tu les as créés quand, ces œuvres que tu exposes aujourd'hui? Eh ben, au fur et à mesure du temps, quoi. Oui, parce que j'en ai de la collection Renoir, j'en ai de la collection Tableau Cagette, j'ai mes protecteurs que j'ai fait il y a 2 ans. En fait, je crée en permanence, en fait. Oui. En fait, je n'arrête jamais de créer. Il n'y a pas une seule journée où je ne crée pas, en fait. C'est génial. Tout le temps. Soit c'est une fabrication, donc je fabrique le support, soit je finis le support, soit j'observe, je suis un grand observateur aussi, ça peut arriver aussi que j'aille voir, je regarde, je travaille pas, mais pour moi c'est comme s'il y avait de la création en fait. Mmh. Le fait de contempler l'œuvre, de la regarder, de se nourrir de ça en fait. Voilà. Oh, c'est tellement poétique. Voilà. Et toute ma maison est comme ça en fait. Waouh. Toutes mes chaises, mes meubles, tout est sur roulette pour que ça roule. C'est, En fait, c'est chez toi la galerie, mais vraiment au sens propre. Oui. Et des fois, les gens, quand ils veulent, je vois qu'ils s'intéressent vraiment à mon art. Parce que ceux qui aiment pas plus, bon voilà, je vais pas plus loin. Mais ceux qui aiment vraiment bien et tout, ben je les fais visiter ma maison. Génial. Je fais visiter ma maison. Ouais. Super. C'est quoi qui inspire Toff Blanc? Eh ben, j'en sais rien. Je crois que j'ai l'inspiration à l'intérieur de moi. Waouh. Ouais, ça je. Et en fait, la nature ne m'inspire pas. Je vis avec la nature. Ouais. Hein, je respire avec la nature. Je suis très. Je fais du jardin sans produits chimiques. Mais la nature ne m'inspire pas. C'est pas elle qui. Je vais pas m'inspirer d'arbres comme là j'en vois à travers la fenêtre ou d'oiseaux. Non, j'ai l'inspiration à l'intérieur en fait. Ok. Des fois, quand je suis en manque, je me dis que je suis un petit artiste parce que j'arrive pas à aller plus loin. Puis ça passe. Voilà. C'est un petit problème d'ego par moment. Le mental qui travaille. Ouais, c'est comme ça. Ouais. Le confinement, il a changé quelque chose dans ta vie d'artiste ou pas du tout? Alors oui, je pense qu'il a changé une chose, c'est que j'ai pris du recul encore plus. C'est-à-dire pour ne pas péter les plombs et pour pas en vouloir une société qui, pour moi, le gère mal. Voilà. Mais bon, ça, c'est que mon avis à moi. Donc, j'ai pris beaucoup de recul. Je fais beaucoup de méditation pour lâcher prise. Et je me suis lancé dans des fresques parce que je bouillonnais de pas pouvoir sortir, en fait, normalement et naturellement. Oui. Donc j'ai décidé de me lancer dans des fresques. Donc j'ai appelé la mairie de Chantraine, je lui ai dit « il faut que j'aille faire une fresque sur le mur de l'école à tout prix ». Et Madame Gilles m'a dit « bah allez-y, vas-y ». Mais c'est génial ça. Ouais. C'est vraiment sur Chantraine, c'est très très sympa. Ok. Et puis à partir de là, j'ai eu d'autres projets, mais je t'en parlerai un peu plus tard. D'accord. Et ben justement, si ça te dit, ben je te sors de mon chapeau magique, parce que moi aussi j'en ai un, deux de mes disques chouchous. Vas-y. Hein? Je vais commencer par Yellow Days et son titre Getting Closer. Tu verras, c'est un vrai soleil ce titre, parce qu'on est là pour mettre du baume au cœur à tous et partager notre good vibes qui est commune, je crois. Hein? On souhaite que tous ceux qui nous écoutent, voilà, sentent jaillir en eux cette good vibes hein, qu'on a tous, mais qui parfois est un petit peu altérée par tout ce qu'on entend ou tout ce qu'on voit. Mais non, nous ici, on vous dit des belles choses pour que ça aille bien. Ouais. Et voilà. Ensuite, eh bien, je te passe Askeir et son titre Mindir. Alors Askeir, Trosti et Narson, c'est un autre auteur-compositeur-interprète islandais de 28 ans, né au sein d'une famille nombreuse et qui a grandi dans une petite île du nord de l'Islande qui ne comptait qu'une dizaine d'âmes. Et la musique lui a permis de voir au-delà de la solitude et de l'ennui de ces grands espaces. C'est lui qui le dit. Nous, on adorerait peut-être être là-bas. C'est magnifique. On voit certains de ses clips vraiment en condition là où il habitait. C'est vraiment magnifique. Mais voilà, on va écouter tout de suite Myndir qui se traduit en français par des photos. Voilà, on vous souhaite un bon voyage sur Radio Guémozo. À tout de suite. future. But don't give up now. It's only just begun. Closer sur Radio Gémozo, c'était pour le moment good vibes un petit peu. On danse en plus dans les studios, c'est génial. Ouais. Bah attends, ça fait du bien. Exactement, la danse, c'est génial. Mais oui, la danse consciente, c'est très bien aussi ça. Merci auditeur de ta fidélité au 107 et à cette émission L'Odeur du Son. Je suis ravie aujourd'hui d'être avec l'artiste Top Blanc. On passe un super bon moment ensemble. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, très bien. Ça m'a fait penser la danse, là, que je me dansais un petit peu. C'est que j'aime bien aussi mettre de la musique quand je peins. Eh ben justement, c'était une de mes questions à venir. Il y a des choses comme ça que tu fais, un petit peu des rituels de création, par exemple en musique. J'aime bien ces temps-ci une musique, surtout avec du violon. Génial. Du violon qui accélère, qui pulse. Ouais, je cherchais le mot. Ouais. Ouais. Par contre, les titres, j'ai pas la mémoire des titres, donc voilà. Ah ben voilà, donc tout ce qui va bouger, des fois, je danse pendant que je peins, en fait. Mais ça amène une super énergie, en fait, la musique qu'on écoute. Ça nous fait vibrer d'une certaine façon. Ouais. Et du coup, limite, il faut être très attentif à la musique qu'on écoute. Plus il y a de paroles un petit peu dark comme ça, plus ça nous fait vibrer dans le bas et plus justement on écoute de la musique qui pulse. Après, chacun vraiment libre de choisir ce qui lui parle le plus, mais c'est pas anodin. Et je crois que ça doit être à Vittel ou à Contrec, je sais plus c'est où. Il y a un orchestre et j'avais fait une intervention avec eux pendant tout leur concert. J'avais peint des grands tableaux. Ouais. Et ça, c'était magique. Mais ouais. Parce que je savais pas ce qu'ils allaient donner. Et j'allais qu'un impro, donc dès l'instant que la musique partait, blablabla, des fois ça s'arrêtait, moi j'étais encore dedans. Mais ça, c'est génial. J'ai fait une heure et demie, ils ont fait une heure et demie, deux heures même de concert, et j'ai fait deux heures de peinture. Waouh. Ouais. C'est super comme expérience. Ah oui, ça c'était très très très fort. On reste dans la création avec une petite info de la mairie de Remiremont qui nous informe que l'événement Flânerie, la photo réchauffe les rues, organisé cette année en remplacement de la semaine de la photographie, eh bien, est prolongé. Ce sont 80 photographies présentées dans divers lieux de Remiremont. Les expositions de photographies présentées depuis fin janvier, eh bien, se prolongent finalement jusque fin mars avec 8 photographes pour 8 ambiances qui nous transportent, nous font voyager, s'évader en contemplant les nombreux clichés. La visite des 8 lieux reste donc accessible à tous. Chacun peut continuer à flâner dans les rues pour découvrir ou redécouvrir toutes ces belles images. Les lieux se succèdent mais ne se ressemblent pas. Des déambulations sous les arcades, au jardin du musée Friri, en contournant l'église, le jardin des olives et la mairie, sous le marché couvert et autour de la médiathèque intercommunale et auditeur, comme tu ne peux pas échanger directement avec les photographes, il est possible de les rencontrer virtuellement sous forme d'interview en te connectant sur la page Facebook de la ville de Remiremont. C'est déjà ça. C'est sympa ça, t'as été voir? Non, pas encore, mais j'ai peut-être y passé là avant de repartir. Bah, je m'en suis douté que t'allais me dire ça. En préparant, je me suis dit, il va me dire ça. Oui, je décalerai mon rendez-vous de cet après-midi. Décidément, ce rendez-vous, là, je ne sais pas ce que c'est, mais bon. Voilà, de plus en plus d'alternatives se créent aujourd'hui pour que la culture, eh bien, garde sa place. Et c'est important quand même. Ouais. Hein? Oui. Voilà, c'est quoi tes alternatives à toi? Alternatives, par rapport à quoi? par rapport à pour garder une place dans la culture. Ah ben j'ai pas j'y suis tout le temps. Ben voilà. Je n'arrête pas en fait. Elle a jamais perdu sa place. Non et puis le confinement ne me fera pas perdre. En fait, je fais de la peinture maintenant depuis 34 ans. Ah ouais. Du coup, quand je prenais un appartement dans la cuisine, je faisais d'abord mon atelier et la cuisine après. Donc, c'est ma fille, on a vécu des moments un peu où il n'y avait pas grand place, mais c'était jamais le contraire, en fait. Moi, des fois, je rencontre des gens qui me disent, bah ouais, mais j'ai pas de place et tout. Moi, j'ai jamais eu ce problème-là parce que je faisais d'abord l'atelier et après la vie normale que les gens vivent. C'est incroyable, ça. Voilà, tout le temps. C'était en permanence, tout le temps. Tu vis dans un atelier. En fait, je vis dans un atelier, je vis dans une galerie d'art, je vis dans un monde artistique en permanence. Eh ben, c'est bien, c'est ton monde et je suis sûre qu'il est charmant. Et il est très agréable. Bah voilà, ouais. C'est le principal. Et là, cet après-midi, mon rendez-vous, oui. Je vais voir une calèche. Mais c'est génial. Pour mettre sur un manège. Trop bien. Un manège du parc du château. Allez, hop, un peu de pub. Allez, hop, en passant. D'ailleurs, on peut te retrouver au parc du château, faire des créations de ballons. Voilà. Les quand? Les dimanches? En fait, c'est souvent quand j'ai pas de spectacle. Donc là, c'est souvent. C'est les mercredis, les samedis, les dimanches. Mais surtout le dimanche. Il y a des enfants, il y a du monde quand même. Oui, il y a eu du monde. Et je trouve qu'ils sont très respectueux, ils sont très agréables, les gamins, les gens sont... Moi, j'ai trouvé que les gens étaient très agréables. Eh ben, tant mieux. Ça, c'était... Il y en faut, des gens agréables. Moi, j'ai le ventre qui grouille parce que je crois que c'est le moment du dessert, là. Je salive un peu. Ah. On va mettre les pieds dans le plat avec Anne-Sophie. Attention, c'est le moment de mettre les pieds dans le plat. Bonjour Lia, bonjour à toutes les auditrices et les auditeurs. Aujourd'hui, je vais vous présenter une super recette de topping au chocolat. Elle sera idéale pour recouvrir vos cupcakes par exemple. Et ce glaçage au chocolat a une petite particularité. Enfin, je devrais dire plutôt un ingrédient assez particulier puisqu'il contient de l'avocat. Et pourtant, l'avocat étant un fruit, il se marie hyper bien avec le sucré. Je suis persuadée que vous allez tomber amoureux et amoureuse de sa texture ultra onctueuse. Pour ce faire, vous aurez besoin de 60 g de cacao non sucré, 60 ml d'eau, un avocat bien mûr puisqu'il faut pouvoir le mixer facilement, 150 g de sucre glace, une cuillère à café d'extrait de vanille et une pincée de sel. Dans un premier temps, on va mélanger les ingrédients secs, donc c'est-à-dire le cacao, le sucre glace et la pincée de sel. Pour la suite, vous aurez besoin d'un blender ou d'un mixeur plongé. Dans le bol, versez les 60 ml d'eau, la cuillère d'extrait de vanille et enfin le mélange sec que nous avons fait juste avant. Mélangez quelques minutes afin d'obtenir un mélange assez homogène. Enfin, coupez l'avocat en petits dés et l'ajoutez dans le bol du blender ou du mixeur plongé. Mixez à nouveau quelques minutes et vous obtiendrez une texture fabuleuse. Un glaçage qui se tient parfaitement bien avec une superbe couleur noire chocolat et une saveur à la fois douce et corsée. Placez le glaçage dans une poche à douille et laissez-le reposer environ 30 minutes au réfrigérateur. Alors maintenant, à vos spatules et régalez-vous. Merci et à bientôt. Merci Anne-Sophie, c'était bien ça. Miam, ça donne envie. Chocolat. Ah oui. Et puis on embrasse nos auditeurs qui nous écoutent. On a eu un petit appel d'une dame. Voilà, on vous fait des gros bisous. Elle va me rappeler après l'émission. Donc voilà, on redonnera tous les renseignements dont elle a besoin. Et puis on peut rappeler que on peut venir te voir rue du Char d'Argent, c'est ça? Oui, c'est ça. Tous les vendredis de 14h à 18h. Voilà, c'est super. Alors Tof Blanc, tu vas bientôt créer une fresque sur un mur extérieur de l'école Le Petit Monde de Montessori d'Épinal. Oui. Comment est née cette initiative, du coup, après celle de Chantraine, j'imagine ? Eh ben, en fait, là, comment ça s'est passé ? Ça veut dire qu'après Chantraine, j'étais tellement excité. Donc, j'ai fait... C'était au mois de décembre. Hein. Donc, il neigeait pendant que je faisais la fresque à l'extérieur. Donc, j'ai commencé à en faire une première. Et puis après, j'ai décidé, avec une amie, d'en faire une à Saint-Avold. Et donc, pour ça, en fait, comme c'était un peu compliqué avec le confinement, je lui ai dit, écoute, ce que je fais, c'est que je vais filmer là une fresque que je vais faire chez moi, dans ma cave. Donc, j'ai fait une première fresque, je l'ai filmée, j'ai une amie qui me l'a mis en boucle et tout, et puis je l'ai visualisée. Et là, je me suis dit, oh là là, c'est une catastrophe. La façon dont j'expliquais, j'ai trouvé ça horrible. Donc, j'ai tout repeint en blanc, ma fresque. D'accord. J'en ai refait une autre que j'ai filmée, tout simplement. Et j'ai mis des textes sur un enregistrement. Ouais. Et puis mon ami a mis les deux places ensemble. Super. Voilà. Et j'ai regardé la vidéo, donc on peut aller la voir sur ma chaîne YouTube. Top Blanc. T'as une chaîne YouTube, c'est bien de le savoir. Ouais. Oh, il y a de tout. Hein. Il y a des trucs complètement. Mais bon, j'en reviendrai. Ouais. Et à partir de là, en fait, je l'ai mis sur Facebook aussi. Et c'est qu'il y a Alix, une responsable qui travaille là-bas, qui m'a contacté, qui m'a dit tu voudrais pas venir faire une fresque sur notre mur à nous. Génial. Donc je suis allé voir l'école et puis l'école, le principe de l'école j'aime bien, donc du coup j'ai dit ok, pas de problème, c'est parti. Super. Est-ce que les enfants vont participer ? Oui et non. Et ils vont participer en tant que spectateurs. Alors, ils vont participer. Je sais pas à quel degré ils manient le pinceau. Donc, on va. En fait, je vais pas forcément pouvoir les former. Oui. Par rapport au temps. Donc, c'est-à-dire s'ils savent ou s'ils ont une envie, je vais les accompagner. Mais on va voir. Je sais pas encore. Oui. C'était pas à la base, c'était pas l'idée que j'avais. D'accord. C'était pas une formation pour les enfants. Mais s'il y a, je vais prendre ce qu'ils vont me donner en fait, hein. comme à l'habitude, je vais être très impatient. Voilà. Ça va représenter quoi cette fresque ? Tu sais déjà ? Non, de l'abstrait. Voilà, des choses comme ça. Alors, on nous montre, Tom Blanc. C'est des choses très colorées. C'est chouette. En volume. Oui. Beaucoup de bulles. Ouais, super. Beaucoup de bulles. Des couleurs vives. Voilà, donc ça c'est celle que j'avais fait dans ma cave en fait. Génial. Et puis à côté, c'est rien à voir, c'est Star Wars. Ouais. En fait, j'ai pris une affiche de Star Wars, je l'ai posée sur le mur, puis j'ai repeint autour. Voilà. J'avais vu ça sur ta page Facebook. Oui, je l'avais mis celle-là. Ouais. Voilà. Donc en fait, je sais pas ce qu'on va avoir parce que quand je vais partir, c'est le mur qui va me guider. Parce que j'ai vu, il y a plein d'aspérités sur le mur. Il est pas forcément lisse, donc il va se passer des choses. Et puis, ce qui va se passer aussi, c'est que le jour même, en fait, moi, si j'ai plutôt envie de faire des courbes, ou si une courbe vient à se mettre, je vais l'utiliser, en fait. C'est un peu comme ça que je fais tous mes tableaux. Tu vas travailler avec la matière, quoi. Je vais travailler avec la matière. Et puis, pour revenir à ta question, avec les enfants. Parce que si un enfant me fait quelque chose et que j'ai envie de le garder, le conserver, je vais tourner autour peut-être. Donc je vais voir et puis je vais voir s'ils auront envie d'aller plus loin. Parce que des fois ils n'ont pas envie de peindre. Des fois ils aiment, puis des fois ils n'ont pas envie. Donc oui. Si je tombe sur un jour où ils n'ont pas envie, c'est prévu pour bientôt là. Ça. Oui, le 15. Ah oui. Donc lundi prochain. Pendant combien de temps tu disais ? Eh ben lundi, mardi et puis jeudi. Ah oui. Les matins. D'accord. Non, les après-midi. Oui, non, les après-midi. Te trompe pas. Voilà. Et ils vont venir te voir chez toi aussi dans l'atelier ? Alors non, oui peut-être, je sais pas. En fait, ça c'était pas prévu. Mais ce qui était prévu, c'était que je fasse moi une expo dans leur école. Ah. Voilà. D'accord. Donc là, on va mettre des dates. Et on va voir comment ça se présente. Par contre, oui, je les inviterai peut-être s'ils ont envie, parce que je sais qu'ils font des sorties aussi. Oui, ils font des sorties. Donc oui, ils peuvent venir un vendredi, au contraire, voir l'expo, voir mon jardin, parce que mon jardin, ça va devenir... Il y a plein de sculptures à l'extérieur. J'ai envie que les gens viennent dans le jardin aussi. Ah bah c'est génial. Bientôt, tu vas être porte ouverte. Alors, je l'ai déjà fait, ça, en fait. J'ai fait visiter à une soixantaine de gamins mon jardin il y a 3 ans, avec l'école Victor. Victor Hugo, je crois. Mmh. Ouais, ça doit être ça. Mais tu travailles beaucoup avec les écoles, en fait, avec la collectivité, la commune, etc. C'est quand même... Oui. Tu es un petit peu une personnalité publique, quand même. Un petit peu. On peut le dire. Oui. Moi, j'ai l'impression de pas y être, mais oui, c'est vrai. Quand on te voit, on sait que c'est toi, quoi. Oui, oui. Même quand t'es pas en clown. Oui, je pense que les gens me reconnaissent. Ouais. Là, dernièrement, j'étais au Parc du Château juste manger une gaufre et j'étais habillé en travailleur. En civil. Très, très sale et tout. Et il y a un monsieur qui m'avait reconnu. T'avais un super projet à un moment, c'était un petit peu de monter comme un endroit où on pouvait casser des choses, tu sais. Ça a été abandonné. Bah oui, je l'ai jamais vu donc. La vaisselle, les gens me disaient ah, c'est sympa, mais ils venaient pas chez moi non plus. Je te dis d'avoir un voile chez moi. Je sais pas, oui. Ça fait longtemps que t'es dans cet atelier? Ah, ça va faire 13 ans que je suis dans la maison. Bon, écoute. Et la galerie, ça va faire un an, au mois de février, ça fait... Ouais, un an. Ah oui, ouais. Ok. La coiffeuse, elle est partie il y a un an, donc ça fait un an. Ok. T'as repris en fait le salon? J'ai repris le salon de coiffure. Ok. Avant, t'exposais où? Ah bah un peu partout en fait. Où on te proposait quoi? Bah dans des bars, dans des restaurants. Ah. Quand ils étaient ouverts. À la boulangerie, j'expose dans des boulangeries chez Nedelec. J'ai exposé à la boulangerie Lambert, chez mon dentiste. Là, j'ai une expo chez mon dentiste. C'est génial. Là, j'ai retiré une expo chez un carreleur. D'accord. Puis j'ai exposé partout, en fait. Puis là, je vais préparer une expo pour la galerie du Bailly au mois d'août. Ah, ouais. On espère que ça va enfin rouvrir. Hein. Ça va ouvrir. Ça va ouvrir parce qu'au mois d'avril, il y a une artiste là qui va ouvrir. Elle est venue me voir et tout. Ok. Et du coup, moi, je vais exposer des nouveaux tableaux qui s'appellent « Je t'aime comme une fleur ». Oh, c'est beau, ça. Ouais. Waouh. Ouais. D'accord. Il y a des thèmes, des fois, quand même Non, là, non. C'est exceptionnel. on fera une radio pour ça, parce qu'en fait, c'est un projet qui vient d'un autre projet qui a été annulé. D'accord. Ok, donc tu reviendras. J'en reviendrai. Oh bah c'est super, allez. Bon coup. On va parler de tes envies pour demain, de tes projets peut-être. Juste avant ça, eh bien, je te sors mon dernier disque chouchou. J'en avais sélectionné deux, mais le temps nous rattrape. Hein. Il nous reste 10 minutes. Cette émission est passée à toute vitesse, j'ai envie de te dire. Un son qui m'a fait penser à toi. Alors, je sais pas si tu connais, c'est Luli Luli. De Oscar Mailouli et de Is Money Jumpers. Non, je vais découvrir. Tu dois découvrir, je sais pas pourquoi ça m'a inspiré. D'accord. Allez, à tout de suite. C'était bien ça. Est-ce que ça t'a plu? Oui. Ah, Oui, j'aime bien. J'aime bien, c'est très dansant. Ça swing. C'est très, ouais. Hein. C'est très américain. On garde. Super. Du coup, eh bien, petite info encore créative et locale, hein, je suis aussi là pour ça, de la part cette fois-ci de Gérard Mé Animation. Les enfants, vous allez pouvoir tenter de gagner votre sujet de Pâques en chocolat. Pour ça, eh bien, tu n'as qu'à te rendre avec tes parents sur la page Facebook Gérard Mé Animation et télécharger le dessin réalisé par Dom Garcia, une artiste jéromoise. Tu connais ? Oui. Ah. Voilà. Tu coloris à ta façon en laissant parler ta créativité. Tu indiques au dos ton prénom, ton âge et le numéro de téléphone d'un de tes parents. Puis tu viens le déposer dans une urne présente au sein des commerces adhérents du 22 mars au 4 avril. T'as encore un petit peu le temps de laisser parler ton imagination. Tu peux essayer. Tiens, t'as... Bah oui, pourquoi pas. À gagner des sujets en chocolat réalisés par la chocolaterie Schmitt dans chacune des 5 catégories d'âge. Moins de 3 ans, 4 à 6 ans, 7 à 9 ans, 10, 12 ans. Et plus de 12 ans, donc c'est bon, c'est pour nous, ça. Ah bah oui, plus de 12 ans, c'est bon. Et ils n'ont pas donné de limite. Une sélection sera faite et 3 dessins seront sélectionnés pour gagner des chocolats. Et si tu n'as pas gagné cette fois, eh bien, je suis certaine que ta maman ou ton papa t'achèteront quand même de bons chocolats pour Pâques. Ouais. Hein? En plus, j'adore ce que fait Dom Garcia. C'est vrai? Ouais, je voulais l'inviter, bien. Justement. Ah bah ouais, ça serait... On va faire une émission avec plein d'artistes, tiens, une fois. Ça serait bien. Ouais. Quand on pourra être de nouveau tous réunis avec plein de gens dans le studio. Voilà. Du coup, est-ce que t'as des projets, des envies? Alors en off, tu me parlais d'une récolte d'horloges, c'est ça, pour le mur? Dis-nous en plus, hein, voilà, ce sera mieux avec tes mots. En fait, ouais, là, je lance un appel pour récupérer tout ce qui est horloge, montre, abîmé, cassé, en mauvais état, en bon état, n'importe comment, pour travailler une fresque sur le temps. Ok, mais tu vas en faire quoi? Tu vas les coller ou tu vas les Alors, tu vas les imiter? Coller, les visser, les peindre. J'en ai déjà eu une qui est faite dans mon atelier. Ouais. Donc j'en ai fait une qui fait à peu près 2 mètres sur 1,50 m avec des horloges que j'avais déjà récupérées pour avoir une première idée. Voilà. Et puis là, dans 2 ans, je voudrais faire un truc beaucoup plus grand. D'accord. Donc pour l'instant, j'en dis pas plus. Hein. Oui, mais sans pour parler en elle. Là, c'est surtout pour la récupération. Oui. Donc je vais aller voir aussi les déchetteries, donc voilà, les particuliers qui voudront me donner... Je suis sûre que la déchetterie te connaît par... Ah oui, ils me connaissent bien. Qu'est-ce que vous avez pour moi aujourd'hui? C'est ça. Non, ils sont très sympas, ça va. Ouais, ils avaient participé au projet vélo. Oui. Mais pour plein d'autres choses, quand je vois des trucs, des fois je vais leur demander, ils me disent OK, il y a pas de souci, voilà. Ah, c'est chouette ça. Ouais, non, c'est sympa. Et puis pas que les déchetteries d'Épinal, hein, toutes les déchetteries du coin me connaissent en fait. Toutes les déchetteries du Grand Est. Ouais, c'est ça. Du coup, si on veut te donner nos horloges, nos montres, etc. On fait comment? On passe chez toi? On peut l'aider sur Remiremont, on les dépose ici. Oh bah pourquoi pas, voilà. Allez, on peut. Sinon, on les dépose chez moi. Sinon, on m'appelle. Hein. Oui. Voilà, on donnera le numéro de téléphone hors antenne peut-être ou en lien avec le podcast de cette émission, pourquoi pas. Et puis sinon, ils vous appellent, ils m'appellent. Voilà. Ouais, pourquoi pas. Et allez. Puis, s'il y a des particuliers qui ont envie d'avoir une fresque sur leur mur, intérieur ou extérieur, eh ben, vous pouvez me contacter. Alors, ne me demandez pas de vous faire du figuratif, hein, des nounours, des poules, des cochons d'Inde, ou des lapins ou des éléphants. Plutôt de l'abstrait, mais si vous avez envie, il n'y a pas de problème. On peut choisir un petit peu les couleurs, tout on ça? On peut choisir les couleurs, il n'y a aucun problème, hein. Oui. Là, et puis, je peux faire toute la maison, du bas à la cave, comme vous voulez. Faut pas avoir peur que ça déborde, si c'était pas prévu, ce mur-là. Oups, des désolé, oui, j'ai un mais petit votre peu voisin, bah, il faudra voir aussi avec votre voisin. J'ai fait toute la rue. C'est génial. Mais tu sais, il y a des villages comme ça, il y a des villes en dehors de France, je sais pas exactement où, beaucoup en Grèce, je crois, où vraiment ils ornent leur maison. Oui, les Africains aussi, ouais. Où ils font toutes leurs maisons comme ça. Hein. Ouais. Et là, moi, j'ai commencé sur ma maison aussi derrière, et je pense, je vais la recouvrir, si je peux, avant que je parte. Bah oui. Pour de nouvelles aventures. Mais fais-nous visiter avant. Oui, oui, alors ma maison est visitable, pas que le vendredi, vous pouvez venir tous les jours. D'accord. Mais à l'heure de l'apéro, je vous paierai l'apéro en plus. Et bien sûr, l'alcool est à consommer modération. Voilà, avec modération et avant 18h. Je voudrais pas qu'après il m'appelle, il me dit, ouais, mais c'est Toff Blanc, il m'a dit qu'il fallait se picole. Non. Ça marche pas. Est-ce que t'as des envies autres que celles qu'on vient d'évoquer, là? Des fraises, non. Non, pour l'instant, non, parce que c'est déjà beaucoup De boulot. Voilà. Et puis, si, ah, j'ai une dernière nouvelle. Ah. Je vais avoir une nouvelle vitrine à partir du fin mars. Je vais avoir une nouvelle vitrine. En fait, dans ma vitrine, au lieu d'avoir des tableaux, on va avoir des légumes, des carottes, des potirons, des pommes de terre, des tomates. Parce que je vais faire une vitrine verte, en fait. Génial. Où dans des bacs, les plantes vont pousser. Super. C'est toi qui vas faire pousser, du coup. Oui. T'amène pas nos pousses. Non. Si vous voulez m'emmener des plants de tomates et des plants de courgettes que vous avez en trop, il n'y a aucun problème. Hein. On fait un échange. Vous m'emmenez des plants, vous prenez un tableau. Waouh. C'est sympa, hein. Ah oui, quand même. Ah oui, ça vaut le coup. Oui. Ok. Tu vas être débordé. C'est pas grave. Du coup, est-ce qu'on peut te suivre sur Internet, sur Facebook. Ouais. Sur la galerie Toff Blanc. Ok. Voilà. Étoffe blanc tout court. Étoffe blanc tout court. Alors là, c'est le clown. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais c'est vrai que je le nourris moins, la page de Toff Blanc. Pas le clown. Non. Ouais, parce que souvent, en fait, quand j'ai des spectacles, c'est des spectacles qui sont souvent privés. Et c'est rare que je mette de la pub, en fait. Oui. Voilà. Alors que la galerie, je mets tous les vendredis que c'est ouvert. Ok, d'accord, ok. Voilà. Donc on peut se rendre directement au sein de ta galerie les vendredis, l'a bien compris, pour voir tous tes tableaux, peut-être ton jardin et ta maison si jamais, on ne sait pas. Oui, on peut te rencontrer en clown certains week-ends au parc du château. Oui. Voilà, et ça c'est génial. Ça c'est grandiose. Mais oui, on te souhaite plein de belles choses pour tes projets, qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite? Que ça continue, parce que ma vie est vraiment belle. Oh, ça c'est beau. Ouais. Voilà. J'ai vraiment une belle vie, en fait. Cultivons le bonheur. Et mes mots le disent. Et du coup, comme je dis qu'elle est belle, ma vie est belle. Ça c'est vrai. Ouais. C'est vrai. C'est une vraie vérité. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui partager une merci heure. De cette interview, ça m'a vraiment... Fait plaisir. Ah ouais. Ah ouais. Ça me fait plaisir alors. Non. Merci d'avoir partagé une heure de bon temps, c'était quand même chouette. Ah ouais. Eh ben ouais, hein. Ouais, ça passe vite. Auditeur, si tu as manqué un bout de cette émission, pas de panique, elle sera rediffusée jeudi à midi. Et tu pourras retrouver le podcast sur notre page et profil Facebook dès demain. Avant de se souhaiter une bonne journée, je finirai avec ces quelques lignes du bulletin des bonnes infos. Je me suis abonnée au bulletin des bonnes infos parce que j'en avais marre des mauvaises nouvelles. Moi, je n'écoute ni la radio, ni la télé, ni le journal, tu sais, je travaille. Non, ni la radio, ni que la musique. Sur Radio Guémozo, il n'y a pas d'infos néfastes, d'accord. Tu vois ce que je veux dire. Donc là, ça va, je peux écouter, mais j'assume. Et donc je vous invite d'ailleurs à découvrir ce bulletin des bonnes infos. Je partagerai régulièrement le contenu dans le journal des bonnes nouvelles. D'accord. Dès bientôt. Ok. Voilà. Bientôt. On veut de la bonne nouvelle. Alors voilà ce qui est écrit. Quand ce fichu Covid sera derrière nous rappelle le Robert, on ira faire la noce, la bringue, la ribouledingue, la nouba, la teuf ou même la chouille. On enchaînera les booms, des surbooms et des surprises parties. On ira s'enjailler dans les ducasses, les vogues, les férias et les fest-noses. Et comme l'écrivait Arthur Rimbaud, dans l'un de ses poèmes, nous bambocherons plus que jamais jusqu'au bout de la nuit. Dit. C'est joliment dit. C'était beau, fallait que je le dise. Voilà, en attendant, auditeur, je te souhaite une belle journée avec la suite de nos programmes. À toi aussi, Toff Blanc, une très belle journée, un bon rendez-vous. Ouais, merci beaucoup. Et puis, concrétisation pour cette calèche, moi je veux voir ça. Ok. Prends bien soin de toi, auditeur, Toff Blanc, tout le monde. Prenez bien soin de vous et des autres. Allez, kiss. Au revoir. Yeah. I'm not afraid to die.